Chapitre 3e. Non, non, non. Suite du coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. À la passion de la chasse, la forteresse tarasconnaise joint une autre passion, celle des romances. Ce qui se consomme de romances dans ce petit pays, c'est à n'y pas croire. Toutes les vieilleries sentimentales qui jaunissent dans les plus vieux cartons, on les retrouve à Tarascon en pleine jeunesse, en plein éclat. Elles y sont toutes, toutes. Chaque famille a la sienne, et dans la ville, cela se sait. On sait, par exemple, que celle du pharmacien Bézuquet, c'est « Toi, blanche étoile, que j'adore !» Celle de l'armurier Costecalde, « Veux-tu venir au pays des cabanes ?» Celle du receveur de l'enregistrement, « Si j'étais invisible, personne ne me verrait !» Une chansonnette comique. Et ainsi de suite, pour tout Tarascon. Deux ou trois fois par semaine, on se réunit les uns chez les autres et on se les chante. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce sont toujours les mêmes et que depuis si longtemps qu'ils se les chantent, ces braves Tarasconnais n'ont jamais envie d'en changer. On se les lègue dans les familles, de père en fils, et personne n'y touche, c'est sacré. Jamais même on ne s'en emprunte. Jamais il ne viendrait à l'idée des Costecalde de chanter celle des Bézuquet, ni aux Bézuquet de chanter celle des Costecalde. Et pourtant, vous pensez s'ils doivent les connaître depuis 40 ans qu'ils se les chantent. Mais non, chacun garde la sienne et tout le monde est content. Pour les romances, comme pour les casquettes, le premier de la ville était encore Tartarin. Sa supériorité sur ses concitoyens consistait en ceci. Tartarin de Tarascon n'avait pas la sienne. Il les avait toutes. Toutes. Seulement c'était le diable pour les lui faire chanter. Revenu de bonne heure des succès de salon, le héros tarasconnais aimait bien mieux se plonger dans ses livres de chasse. Ou passer sa soirée au cercle, que de faire le joli cœur devant un piano de Nîmes, entre deux bougies de Tarascon. Ses parades musicales lui semblaient au-dessous de lui. Quelquefois, cependant, quand il y avait de la musique à la pharmacie Bézuquet, il entrait comme par hasard, et après s'être fait bien prier, consentait à dire le grand duo de Robert le Diable avec Madame Bézuquet la mère. Qui n'a pas entendu cela n'a jamais rien entendu. Pour moi, quand je vivrai 100 ans, je verrai toute ma vie le grand Tartarin s'approchant du piano d'un pas solennel, s'accoudant, faisant sa moue, et sous le reflet vert des bocaux de la devanture, essayant de donner à sa bonne face l'expression satanique et farouche de Robert le Diable. À peine avait-il pris position, tout de suite le salon frémissait, on sentait qu'il allait se passer quelque chose de grand. Alors, après un silence, Madame Bézuquet, la mère, commençait en s'accompagnant. « Robert, toi que j'aime, et qui reçus ma foi, tu vois mon effroi, bis. Grâce pour toi-même et grâce pour moi. » À voix basse, elle ajoutait « À vous, Tartarin !» Et Tartarin de Tarascon, le bras tendu, le poing fermé, la narine frémissante, disait par 3 fois, d'une voix formidable, qui roulait comme un coup de tonnerre dans les entrailles du piano, « Non, non, non !» Ce qu'en bon méridional, il prononçait « Non, non, non !» Sur quoi Madame Bézuquet, la mère, reprenait encore une fois « Grâce pour toi-même et grâce pour moi !»« Non, non, non !» hurlait Tartarin de plus belle, et la chose en restait là. Ce n'était pas long, comme vous voyez, mais c'était si bien jeté, si bien mimé, si diabolique, qu'un frisson de terreur courait dans la pharmacie et qu'on lui faisait recommencer ses « Non, non !» 4 et 5 fois de suite. Là-dessus, Tartarin s'épongeait le front, souriait aux dames, clignait de l'œil aux hommes et, se retirant sur son triomphe, s'en allait dire au cercle d'un petit air négligent « Je viens de chez les Bézuquet chanter le duo de Robert le Diable. » Et le plus fort, c'est qu'il le croyait.